Le rassemblement consacré au 70e anniversaire de la fondation de l'entreprise de transport maritime de Pyongyang a eu lieu le 10 courant en présence d'Oh Soo-yong, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des officiels intéressés et du personnel de l'entreprise. Oh Soo-yong a transmis les félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée adressées au personnel de l'entreprise. Le comité central du Parti du Travail de Corée y indique notamment: le président Kim Il-sung a fondé le 11 mars de l'an 36 du juillet 1947 l'entreprise de transport maritime de Pyongyang, l'a visité en vite reprise et éclairé la voie à suivre. Le général Kim Jong-il aussi s'est intéressé profondément au développement du transport maritime du fleuve Daedong, donné à plusieurs reprises les instructions précieuses et envoyé à maintes reprises les paquebots et équipements modernes. Ces 70 derniers ans, l'entreprise de transport maritime de Pyongyang s'est développée en base de transport dotée de nombreux paquebots, moyens de transport des marchandises et centres de réparation des bateaux grâce à la direction sage et au soin méticuleux des grands leaders. À la suite du rapport, il y a eu les interventions.